C'est toi, un point c'est moi. Quelque part dans le sommeil. Un point c'est tout. Nous sommes allés sur l'autre rive. Traverser, un point c'est tout. Parle-moi du monde, un point c'est tout. Sur le sable, j'ai adoré. Un point c'est quoi? Cette douceur dans ta voix nous a guidés. Un point c'est toi. Parle-moi du monde. Un point c'est tout. Mm-hmm.